L'équipe assure la régie technique et la partie questions-réponses. Donc, n'hésitez pas aussi à la solliciter dans le chat si jamais il y a un petit couac, mais a priori, tout va bien. Comme j'ai dit, Elisa Vardy-Duclos, alors pour les francophones, vous n'allez pas avoir beaucoup de contact avec elle, mais elle assure aussi une partie de la traduction avec moi pour nos collègues lusophones. Et merci à Marie et à Elise de jouer ce rôle-là. Le projet Copolis aborde la coproduction de la ville autant que celle de la recherche et que nous, au sein du projet, essayons par ailleurs d'imbriquer et faire monter en puissance. Entre ces deux mondes, des analogies peuvent être faites. La coproduction de la ville et la recherche citoyenne sont toutes les deux des objectifs qui sont affichés fortement par des politiques publiques et qui sont en même temps revendiqués par des citadins, des militants et des professionnels engagés qui critiquent l'accaparement de ces termes par les dites politiques publiques et mettent en exergue les écueils d'une telle instrumentalisation. Le projet Copolis, quant à lui, s'appuie sur des convictions fortes quant au potentiel de pratiques de coproduction de la ville et de la recherche en matière de démocratie et de justice sociale et spatiale. Nous entendons la coproduction comme la modalité de participation la plus horizontale possible, celle qui vise à réduire les inégalités et en particulier, comme l'a bien souligné Maïté Join lors de la première séance de séminaire, les injustices épistémiques. Celles qui sont liées au partage du savoir et aux frontières entre experts et profanes. À rebours des visions qui sont souvent portées par les politiques publiques, le séminaire et l'ANR Copolis plus largement affichent quatre objectifs majeurs. D'abord, de décrypter les pratiques de coproduction, leur émergence, leur continuité et ce qu'elles engagent des différentes parties prenantes. Et par ailleurs, on essaie également de mettre à l'épreuve cette coproduction, d'en prolonger les expériences en se mettant au service des demandes et initiatives citoyennes. Ensuite, le deuxième objectif est celui de saisir les pratiques facilitatrices et leurs variations, puisqu'une hypothèse clé du programme est que les coopérations marchent s'il existe des espaces et des acteurs qui les facilitent, que ce soit par la mise en contact ou encore la traduction, en gros, des acteurs qui créent des ponts entre des cultures techniques et des institutions. Un troisième objectif est celui d'étudier les méthodes collaboratives utilisées, les ressources et les outils mobilisés, la répartition des tâches et la prise en compte dans le dispositif des publics traditionnellement éloignés de la recherche. Enfin, il est question d'analyser les enjeux liés au savoir de la coproduction. Quels sont les différents savoirs à l'œuvre? Comment se constituent-ils? Comment s'hybrident-ils? Mais aussi, comment évaluer leur légitimité à la fois scientifique, sociale et politique? Alors, après cette brève présentation des objectifs, parlons un peu de l'organisation du séminaire pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Il s'organise autour de séances de recherche ouvertes à tous, mais aussi des séances de recherche formation coordonnées par l'association Appui, une des partenaires du projet Copolis, comme celle de décembre dernier. Et ces séances-là, elles sont à la fois assurées par des partenaires associatifs et elles visent aussi du coup un public beaucoup plus large. Pendant l'année 2020-2021, nous aurons 3 sur 9 séances dans ce format-là. Lors de la première séance, notre invité Maïté Join nous a dressé un panorama des recherches participatives en mettant en évidence les convergences et les clivages qui les traversent. Et aujourd'hui, nous allons donc explorer un exemple concret d'une recherche participative menée par des collègues du LAVU et de l'Université Paris Nanterre. Alors, la séance s'intitule, vous l'avez toutes et tous vu, La recherche au défi de la participation. L'ANR Popart, les quartiers populaires au prisme de la jeunesse, ou une recherche participative. Et cette recherche, elle est particulièrement ambitieuse, on le verra, en matière de coproduction des connaissances. Et ce, avec des groupes sociaux, ici les jeunes, mais pas que les jeunes, donc les jeunes des quartiers populaires, qui sont a priori éloignés des scènes officielles de coproduction. Cette recherche intéresse le projet Copolis d'une part, par les discussions méthodologiques et épistémologiques qu'elle peut nourrir, bien évidemment, et d'autre part, les éléments précieux qu'elle apporte sur les quartiers populaires, qui sont en France les terrains privilégiés du projet Copolis. Donc aujourd'hui, nous aurons la participation de chercheuses qui ont participé à la coordination de la recherche PopArt et qui d'ailleurs nous remercions beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Elles sont Marie-Hélène Baquet, professeure des universités en études urbaines à l'Université Paris-Nanterre, attachée au laboratoire La Vue, qui est le laboratoire par ailleurs qui porte le projet Copolis, et Jeanne de Moulin, qui est maîtresse de conférences en sciences de l'éducation à l'Université Paris-Nanterre, rattachée au laboratoire CREF. La séance sera ensuite discutée par Nadine Roudil, qui est membre aussi de l'équipe Copolis et professeure en sociologie à l'école d'architecture Paris-Val-de-Seine et qui est également rattachée au La Vue. Et nous la remercions aussi, bien évidemment. Enfin, Copolis est un projet franco-brésilien d'une part et francophone et lusophone d'autre part. Les deux premières séances séminaires ont été menées exclusivement en français, le temps que la mayonnaise prenne dans les rouages internes de son organisation. Et nous, nous nous excusons naturellement auprès de nos collègues lusophones qui n'ont pas pu suivre ces deux premières séances. À partir d'aujourd'hui, nous expérimentons le format bilingue. Par la suite, je vais passer la parole à nos intervenantes et je passerai du coup à un autre rôle, celui des interprètes. Nous vous souhaitons tous une très bonne séance. Merci. Donc c'est à nous là, Pedro. Très bien. Donc bonjour à toutes et tous. Je vais vous partager mon écran pour que vous ayez une vue sur le PowerPoint qu'on vous a préparé, qui, on l'espère, rendra le suivi de notre propos plus facile aussi du fait qu'on soit à distance. Donc, je lance le partage d'écran. Voilà, j'espère que vous voyez tous bien. Et je vais donc laisser Marie-Hélène commencer. Hein? Eh ben, bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation à présenter nos travaux, donc, qui engagent une quinzaine de chercheurs, plus d'une centaine de jeunes et une quinzaine également de professionnels de la jeunesse, plus une représentante de la coordination Passons-nous qui a aussi participé à nos travaux. Donc la recherche qu'on va vous présenter aujourd'hui porte sur les pratiques et les représentations des jeunes des quartiers populaires. Et donc c'est une recherche participative dont le protocole de recherche sur lequel on reviendra tout à l'heure repose sur des ateliers qui mobilisent un collectif de 10 à 15 jeunes dans 10 quartiers populaires de l'Île-de-France, soit environ, soit au total, donc 120 jeunes. Donc nous avons travaillé par atelier dans chaque quartier, puis ensuite ces travaux ont été mis en commun lors d'une rencontre qui réunissait l'ensemble des jeunes. Ensuite ces travaux ont été prolongés par un séminaire d'écriture et par la co-rédaction qui est en train de se terminer d'un ouvrage collectif. Alors, cette méthodologie participative s'inscrit dans un courant qui voit fleurir en France une multiplicité d'expériences de recherche dites participatives ou collaboratives ou partenariales ou recherche-action pour d'autres. Ce courant se réclame de différentes approches, vous en avez discuté à la dernière séance, qui ont en commun bon, de chercher à changer le processus habituel de production de connaissances, en y faisant contribuer des personnes ou des groupes dont ce n'est habituellement pas le rôle. Et là, je cite deux chercheurs, de Roubaix et Connac. Donc, ces pratiques, dont il serait sans doute intéressant de faire l'histoire en France notamment, ne sont pas nouvelles. Mais en France, elles sont toutefois restées relativement marginalisées dans la construction de la sociologie comme discipline académique, à l'exception peut-être de la méthode d'intervention sociologique développée par Alain Touraine et son équipe. Dans le champ des sciences sociales, elles sont en France, mais aussi notamment en Amérique latine, plus souvent portées par des chercheurs qui appartiennent à des disciplines considérées en France, là, particulièrement, comme connexes, telles que les sciences de l'éducation ou le travail social, ou alors elles sont développées dans des lieux également considérés comme secondaires vis-à-vis des pôles de reconnaissance académique. Dans d'autres contextes, comme ceux du Canada, des États-Unis ou du Brésil, ces courants de recherche sont beaucoup plus reconnus et structurés. Ils possèdent leurs propres revues et ils ont également leur propre dynamique d'institutionnalisation. Alors, sans doute qu'on peut voir dans ce décalage des effets de différences nationales ou régionales dans la construction des disciplines des sciences sociales, mais aussi dans le rapport des universités à la société. Il s'explique aussi pour partie par l'influence en France de la sociologie d'Émile Durkheim, puis de Pierre Bourdieu, qui ont fait de la notion de rupture épistémologique un point central du positionnement des chercheurs. Et on peut aussi y voir dans l'Hexagone les effets d'une plus faible reconnaissance de disciplines comme les sciences de l'éducation ou le travail social, dont le champ des sciences sociales. Pour autant, même dans des contextes comme celui du Québec, par exemple, où la recherche participative ou partenariale s'est imposée au sein des institutions scientifiques, la discussion entre différentes pratiques de recherche, recherche académique ou participative, reste néanmoins peu approfondie. Si la typologie qui était proposée par Michael Buravoy, qui distingue recherche académique, recherche publique et recherche d'expertise, est aujourd'hui reprise dans de nombreux travaux, les rapports et les influences entre ces différentes façons de produire de la connaissance scientifique sont peu abordés. Tout se passe comme si la seule légitimité de la recherche participative ou de la sociologie publique consistait en son rapport à l'action, sans que soient envisagés ses apports méthodologiques et ses apports conceptuels. Et le sociologue sud-africain Carl von Holt, par exemple, propose quant à lui de substituer à la notion de sociologie publique qui a été conceptualisée par Buravoy, celle de sociologie critique engagée, ce qui permet d'éclairer, selon lui, et nous le suivrons dans cette direction, la spécificité d'un processus de connaissance qui est en tension entre le champ politique et le champ sociologique. De ce processus découlent des innovations conceptuelles et méthodologiques qui contribuent à transformer la sociologie dans son ensemble. Beau lapsus. Nous voudrions donc, dans cette communication, à partir de la recherche Pop-Art, donc, qui a été conduite avec des jeunes et des professionnels de la jeunesse, interroger ce que la participation fait à la recherche en sciences sociales. Est-ce qu'elle peut contribuer à nourrir les théories et méthodologies des sciences sociales? En quoi vient-elle questionner les principes méthodologiques et épistémologiques, la construction des savoirs et leur nature? Et dans quelle mesure est-elle, de ce point de vue, heuristiquement stimulante? Donc, nous reviendrons dans un premier temps sur les corpus théoriques qui soutiennent ces pratiques de la recherche, en tout cas les corpus théoriques qui ont soutenu, nous, nos pratiques de la recherche. Nous ne ferons pas un panorama de ces corpus sur la recherche participative. Et donc, dans le cas particulier de notre recherche, qu'attendions-nous de cette méthodologie pour appréhender les quartiers populaires et leur jeunesse? Penser à partir de l'expérience des jeunes implique donc des choix méthodologiques et éthiques dont certains ont émergé au cours de ce processus de recherche. C'est ce que nous aborderons dans un deuxième temps. Et dans un troisième temps, nous analyserons les défis scientifiques qu'a posé la recherche participative au fur et à mesure de son élaboration. Donc, dans cette intervention, il faut être bien clair sur le fait que nous regarderons la recherche participative du point de vue des chercheurs et non de ses effets sur les autres participants, ce qui pourrait faire l'effet d'une autre contribution. Mais nous avons essayé de resserrer ça autour de la question plus précisément de des chercheurs et de ce que ça apporte à leur méthodologie. Et il ne s'agira pas non plus à cette étape de livrer les résultats d'une analyse qui est encore partiellement au travail. Alors, pourquoi une recherche participative? L'émergence de la recherche participative renvoie dans des conditions données à des enjeux qui sont propres aux disciplines des sciences sociales dans leur rapport à la société et dans leur rapport dans leur construction. Je vais distinguer trois enjeux articulés dont se réclament les méthodologies participatives sont trois enjeux qui ont guidé notre démarche. Un premier enjeu qui est un enjeu démocratique et de rapport à l'action. Un deuxième enjeu qui est la question épistémologique. Et puis un troisième enjeu qui est le rôle d'émancipation que peut avoir une recherche participative. Donc le premier enjeu renvoie au rapport des sciences et de la société, question qui est de plus en plus travaillée aujourd'hui et qui émerge comme une question forte. en résonance avec la diffusion d'un impératif participatif dans les politiques publiques. Donc, un premier groupe de préoccupations recoupe des questionnements sur la démocratie de la recherche, sur son rapport à la société, voire sur son efficacité. Construire une recherche en lien avec les acteurs concernés permettrait de mieux répondre aux préoccupations sociales, qu'il s'agisse d'associer ces acteurs au choix des objets d'analyse, à la définition des protocoles, voire à la conduite même de l'enquête et à son interprétation. C'est dans cette perspective, et parce que les choix et débats scientifiques renvoient toujours à des enjeux politiques, que Barthes, Calon et Lascoum envisageaient d'ailleurs une recherche en plein air. Tout comme la participation, la recherche participative décrit des formes et des dynamiques très contrastées, selon qu'elle est initiée par des chercheurs ou par des acteurs sociaux, qu'elle se réclame du changement social ou du management, et donc, ou qu'elle représente un point d'appui pour les mouvements sociaux, ou quelquefois une voie de financement pour la recherche. Nos travaux ici s'inspirent de courants de la recherche participative qui sont d'une recherche engagée auprès d'acteurs dominés. Le deuxième enjeu est un enjeu épistémologique. Ces pratiques participatives reposent sur la reconnaissance de différents types de savoir, savoir académique, mais aussi savoir de l'action et savoir d'expérience. Et donc, la pratique participative invite à les articuler sans pour autant les hiérarchiser. Donc, elle interroge dès lors le statut de chaque type de savoir, mais aussi donc le statut du savoir scientifique, de sa construction, ce qui, bien sûr, ne manque pas de faire débat chez les chercheurs. En particulier est posée dans ces débats scientifiques la question de l'objectivité scientifique et est interrogé le principe de rupture épistémologique et de distance vis-à-vis de l'engagement, et de l'engagement par rapport à son terrain et de l'engagement par rapport au champ politique. La question de l'objectivité a été travaillée dès les années 1980 par les recherches féministes, essentiellement aux États-Unis. Constatant l'absence des femmes dans la production scientifique, ces chercheurs, appelés à prendre en compte leur savoir, construit à partir de leur expérience, de leur vie matérielle, de leurs conditions dominées, soit des savoirs situés, comme l'écrivait Hartsock. La recherche féministe s'est ainsi construite à partir du constat de la non-neutralité des savoirs scientifiques, basée sur des stéréotypes sociaux de genre et de race. C'est ainsi que la philosophe Sandra Harding avance le concept d'objectivité forte, opposée à l'objectivité faible des sciences, qui se réclament de la neutralité et qui, pourtant, ont occulté pendant décennies la moitié de l'humanité. Au contraire, la prise en compte de savoirs intéressés, des contextes de production de ces savoirs, des engagements des chercheurs représentent des ressources permettant d'accroître l'objectivité, selon Harding toujours. Donc, la construction des savoirs scientifiques repose alors sur la diversification des supports d'analyse, sur la mise en dialogue d'interprétations contradictoires, faisant des désaccords un outil heuristique. Et c'est bien dans cette perspective que nous avons travaillé, en mettant au centre de notre travail la question de la discussion entre différents acteurs. Le troisième enjeu est la relation entre recherche et émancipation. La question épistémologique posée par les féministes rencontre un ensemble d'autres travaux, notamment autour des questions de subalternes, de dominés, de classes populaires, et toute une série de préoccupations d'ordre réflexif et politique autour, donc comme le disait Pedro tout à l'heure, de l'affranchissement du contrôle extérieur des connaissances ou, certains parlent, de décolonisation des savoirs par la prise en main des communautés en co-construction avec la recherche. Comment contrebalancer les positions de domination des chercheurs dans la production des discours et des représentations légitimes. Cette préoccupation débouche chez certains auteurs, comme Apadurai, par exemple, sur l'affirmation d'un droit à la recherche, en Amérique latine également, à la suite de Paulo Freire, tout un courant de recherche s'est développé dans cette perspective. Travaillant dans des quartiers populaires, que nous entendons ici comme des quartiers qui accueillent les populations situées en bas de l'échelle sociale, c'est dans cette perspective que nous nous sommes situés, mais en prenant toutefois au sérieux le double avertissement d'Haraway, qui nous indique, et là je cite, que les positions des assujettis ne sont pas dispensées de réexamen critique, de décodage, de déconstruction et d'interprétation. Ce qui veut dire de démarche à la fois sémiologique et herméneutique d'enquête critique. Donc la dimension de la critique reste très importante et elle ajoute « les points de vue des assujettis ne sont pas des positions innocentes ». Elle ajoute également « les points de vue assujettis sont privilégiés parce qu'ils semblent promettre des récits du monde plus adéquats, plus soutenus, plus objectifs, plus transformateurs. Mais apprendre en voir d'en bas requiert au moins autant de savoir-faire avec le corps et le langage, avec les médiations de la vision que les visions technoscientifiques les plus élevées. Et je termine la citation. Donc, apprendre en voir d'en bas implique de tenir ensemble à la fois une posture objectivante, une posture critique et une posture participative. Deux sociologues, Jean-Louis Génard et Marta Rocca-Escanda, défendent que ces deux postures ne sont pas absolument opposées, en particulier parce que la posture objectivante peut être considérée comme un des moments possibles de la posture participante. Mais elles dessinent cependant des exigences éthiques particulières avec lesquelles le sociologue devra inévitablement négocier. Les exigences qui sont liées au mode de validation scientifique des disciplines auxquelles tente de répondre le chercheur peuvent parfois entrer en conflit avec les formes de confiance, de réciprocité, de contrôle qu'implique l'éthos participatif. Dès lors s'opère une négociation à la fois dans la méthodologie, dans les méthodes de collecte de données, dans les façons de les interpréter et de les utiliser. Comment s'est faite pour nous cette négociation? Quels enjeux scientifiques met-elle en relief? C'est ce que nous allons essayer de développer. Donc, si on suit l'expression de Haraway, donc à comment apprendre à voir d'en bas, c'est une question particulièrement forte dans les quartiers populaires où tous les travaux, notamment de Grignon et Passeron, ont montré le double écueil auquel s'affrontent les chercheurs qui travaillent sur ces quartiers, entre fascination d'un côté pour les populations qu'ils étudient et fascination et idéalisation d'un côté et de l'autre côté, regard normatif et condescendant. L'entrée dans les quartiers populaires par les jeunes redouble ces difficultés et justifie d'autant plus le choix de méthodologie que nous avons, de méthodologie participative. En effet, les jeunes sont les figures de proue de la stigmatisation des quartiers populaires. L'émergence et la consolidation de la catégorie jeune des quartiers populaires a conduit à leur assimilation à une population déviante et à des problèmes. Les jeunes sont ainsi catégorisés, font l'objet de débats publics dans lesquels ils n'ont souvent pas de voix. Ils subissent de fait une forme de dépossession sociale, culturelle et politique. Comment dès lors travailler sur ce terrain complexe sans participer de ce processus de stigmatisation et sans adopter d'un autre point de vue une position naïve, donc en questionnant les catégories tout en les mobilisant. La méthode participative nous a semblé permettre, si ce n'est de résoudre ces tensions, tout au moins de les prendre en compte en les plaçant au cœur de la recherche. Si traditionnellement les jeunes, en particulier ceux des classes populaires, n'ont eu aucun contrôle sur les processus d'enquête et les résultats de la recherche en sciences sociales, même lorsqu'ils étaient au cœur du travail, certains travaux ont déjà tenté de répondre à cette asymétrie générationnelle, qualifiée par certains auteurs d'adultocentrisme, doublée d'une asymétrie sociale, par l'inclusion et la participation active de ces jeunes ou adolescents dans la démarche de recherche. D'ailleurs, leur participation est alors considérée comme un critère même de validité scientifique. Ces approches avec les jeunes commencent par la reconnaissance de leur savoir propre, de leur point de vue sur eux-mêmes et sur leur univers et sur les autres. Et c'est donc également dans cette perspective que nous avons engagé cette recherche. Notre ambition était double, il s'agissait d'essayer de proposer une traduction plus juste et plus étouffée du monde, en suivant Haraway, qui permettrait de dépasser les représentations caricaturales et hégémoniques, et ensuite, par la mise au travail d'une science réflexive et participative, de prendre en compte et de travailler les relations de domination dans la production et dans les rapports mêmes au savoir. Donc, un objectif scientifique, puisqu'il s'agit de produire de la connaissance à partir de l'expérience des jeunes et de sa mise en discussion, et un objectif politique, puisqu'il s'agit de permettre à un groupe social d'intervenir sur la façon dont il est représenté dans l'espace public. Pour apprendre à voir d'en bas, nous avons donc cherché à construire les conditions de l'expression, de l'écoute et de la discussion par un partenariat le moins asymétrique possible, par une ouverture méthodologique inspirée des pratiques participatives de l'éducation populaire notamment. Cette ouverture méthodologique n'est pas opposée mais complémentaire aux pratiques classiques de la sociologie, et je pense que Jeanne reviendra là-dessus, et donc implique de réinterroger à chaque étape les conditions de distanciation de la critique et de la réflexivité. Alors, comment construire des partenariats les moins asymétriques possibles? De nombreux travaux ont montré que dans les recherches participatives, il y a de fortes asymétries de position entre les différents partenaires, les savoirs scientifiques étant très souvent placés en haut de la hiérarchie. Nous avons pour notre part initié un partenariat à trois niveaux qui associe des chercheurs de différentes disciplines, des membres d'associations ou de collectivités territoriales qui œuvrent dans les quartiers populaires et des jeunes qui habitent ces quartiers. Les professionnels travaillent dans des structures au statut divers, des collectifs issus de mouvements sociaux comme Assez le feu à Clichy-sous-Bois, des structures municipales dans certains quartiers comme Suresnes, des structures associatives liées pour l'une d'entre elles à l'économie solidaire. Les professionnels ont contribué à la constitution des groupes de jeunes dans lesquels nous avons essayé de respecter une diversité en termes d'origine, de trajectoire, de situation sociale et scolaire et selon un principe de mixité filles-garçons. Nous avons travaillé avec une jeunesse que l'on peut qualifier de jeunesse ordinaire, c'est-à-dire ce ne sont pas les jeunes des rues, donc une jeunesse qui n'est pas marginalisée mais qui reste bien souvent invisibilisée. Ce profil correspond à la fois au ciblage de la recherche, mais il s'explique aussi, il faut bien le reconnaître, par notre plus ou grande réussite à faire participer des jeunes les plus marginalisés. Donc, cette recherche d'une diversité de terrain, de structures et de profils de jeunes a représenté un principe méthodologique dans la construction du partenariat qui visait précisément à échapper à une vision par trop homogène des quartiers populaires et à favoriser la mise en discussion par la différence des situations et des trajectoires. Pour limiter les asymétries au sein du collectif de recherche, un des enjeux nous semblait de trouver les formes de reconnaissance du travail de chacun. Et nous avons notamment posé la question de la rétribution des associations et des jeunes, en particulier la rétribution des jeunes a engagé un certain nombre de débats au sein de l'équipe et avec les éducateurs. Certains éducateurs étant habitués à travailler par projet avec les jeunes et craignaient que ceux-ci, qui sont déjà tentés par des comportements consuméristes, ne rentrent dans une logique marchande vis-à-vis des activités proposées par leur structure. Donc, c'est exprimé ici une première tension au début de la recherche entre objectifs éducatifs et objectifs de recherche. Et également, parmi les chercheurs, quelques-uns exprimaient aussi des réticences, soit parce qu'ils endossaient un rôle d'éducateur, soit parce qu'une relation monétarisée dans le cadre de la recherche leur semblait contraire à leur éthique, parce qu'elle pouvait, selon eux, remettre en cause la sincérité de l'échange. Nous avons trouvé un terrain d'entente, dans le sens où dans la plupart des terrains, les jeunes n'ont été informés de cette rétribution qu'après avoir été recrutés. Et une solution intermédiaire a été utilisée dans deux terrains où les animateurs ont fortement incité les jeunes à utiliser collectivement leur rémunération pour l'organisation d'un séjour à l'étranger. Donc, ces séjours de fête ont prolongé le dispositif de recherche puisque les chercheurs y ont participé. Du côté des jeunes, la rétribution a dans la plupart des cas constitué une bonne surprise plus qu'une motivation, tout au moins au début de la recherche. Mais le paiement exigeant la participation à l'ensemble des ateliers, il a sans doute représenté une incitation pour un certain nombre de jeunes à aller jusqu'au bout de la démarche. Cependant, nous avons été surpris de la demande des jeunes de poursuivre les rencontres auxquelles qui n'étaient pas obligatoires et 80 d'entre eux sur une bonne centaine étaient présents à un deuxième week-end d'atelier d'écriture que nous avons organisé à leur demande. Ainsi, une jeune fille de Pantin témoigne lors d'un entretien à la fin des ateliers, je cite, « J'ai accepté de participer à la recherche sans savoir qu'il y avait ça, c'est-à-dire la rétribution. Et le fait qu'on soit indemnisé, je me suis dit, je crois qu'ils ne font pas les choses à moitié, quoi. Déjà, je me disais, mais pourquoi on veut nous payer? Après, tu nous avais expliqué, genre, on est considéré. Ils vont nous considérer comme des chercheurs aussi. Après, je me suis dit, ah ouais, moi, je dirais, bah, j'ai travaillé en tant que chercheur. Et on peut dire que la valeur symbolique d'une collaboration avec des chercheurs de l'université n'est pas à négliger pour des jeunes, notamment pour des jeunes qui ont connu des trajectoires scolaires heurtées et qui trouvent parfois un rapport compliqué à l'école. Donc, pour faire vivre ce partenariat, il nous semblait aussi important de le prolonger jusqu'au bout de la recherche, c'est-à-dire jusqu'à sa mise en écrit, jusqu'à sa diffusion et jusqu'aux publications. Et ça a représenté un autre principe de ce partenariat qui nous a conduit au fur et à mesure de la recherche à tester différents types d'espaces de discussion analytiques et à expérimenter des formats hybrides de présentation. Et je laisse la parole à Jeanne. Merci. Donc, pour apprendre à voir d'en bas, on a aussi donc expérimenté des outils participatifs On a souhaité prendre en compte la multiplicité des récits sans les mettre en ordre de manière préalable et en mobilisant les capacités analytiques individuelles et collectives de nos partenaires. Donc on s'est pour ça tourné vers des outils qui étaient nouveaux pour une partie de l'équipe et on a cherché à multiplier les formes d'expression. Donc comme l'a dit Marie-Hélène, hein, la discussion entre les différents partenaires a vraiment représenté une ligne de force de la méthodologie. Donc la première étape de la recherche, ça a pris la forme d'ateliers sur chacun des 10 terrains pendant 6 mois environ. Je ne vais pas détailler, mais on s'est inspiré en partie de méthodes de focus group et d'intervention sociologique, mais aussi de méthodes de l'animation participative et également de méthodes issues de l'éducation populaire pour arriver à produire et articuler ces récits et ces réflexions individuelles et collectives. Donc, au cours de chaque séance, on a par exemple privilégié l'ouverture de séance par des temps brise-glace, le travail autour de matériel apporté par des participants, comme des photographies, des objets, etc. Des évaluations, en fin de séance pour aussi adapter d'une séance à l'autre ce qu'on faisait. On avait également prévu un déroulé commun pour l'ensemble des 10 terrains, un déroulé des ateliers communs pour l'ensemble des 10 terrains, avec une série de thèmes répétés dans chacune des villes. Donc, par exemple, les mots pour parler de mon quartier, ce que je veux montrer de mon quartier, les filles et les garçons dans mon quartier, pour vous donner seulement quelques exemples. Donc, au cours des ateliers, les chercheurs ont tour à tour adopté des postures différentes, de l'observation, de l'animation, mais aussi de l'interaction dans la discussion. On a décidé de travailler en binôme, voire en trinôme par terrain, pour pouvoir alterner ces positions d'observateur et d'animateur. Mais on s'est bien vite rendu compte que la distinction nette entre ces différentes postures n'a pas été toujours facile à respecter et que chaque équipe a aussi dû tenir compte, de la plus ou moins grande aisance de chacun à passer d'une posture à l'autre. On a aussi utilisé la curiosité des jeunes à notre égard comme un outil de resymétrisation dans les discussions. Pour vous donner un exemple, on a par exemple fait un atelier qui s'intitulait « Grande histoire, petite histoire », qui est issu de l'éducation populaire et qui vise à articuler les histoires de vie personnelle avec l'histoire avec un grand H. Et au cours de cet atelier, les chercheurs et les professionnels ont eux aussi mis en partage les événements historiques et personnels qui avaient de l'importance pour eux, pour entrer aussi en discussion avec les jeunes. Autre exemple, lors de débat non mixte entre les filles et les garçons, plus dans les groupes des filles, les filles ont posé des questions aux chercheurs sur leur expérience au même âge, leur expérience en tant que jeune fille au même âge. Donc, de manière générale, nous avons pris le parti, une fois que les jeunes avaient construit leur propre analyse, de ne pas rester en dehors du débat, de nous dévoiler et de donner à voir nos points de vue et de répondre aux questions qui étaient posées. Donc, l'ensemble de ces méthodologies nous a effectivement permis de produire de la connaissance. Donc voilà, maintenant je présente, j'oublie de passer les diapositives, mais c'est pas grave. Alors, donc ça nous a permis de coproduire de la connaissance. Je vous donnerai simplement 2 exemples rapides pour rester dans notre temps. Donc on a travaillé par exemple à Pantin sur la question de la gentrification et le fait de faire des allers-retours entre des travaux individuels et des travaux collectifs, donc des travaux individuels dans lesquels les jeunes travaillaient sur des mots, sur des photographies de la ville prises par chacun d'entre eux, sur des promenades urbaines, etc. Et puis des temps collectifs autour de débats et de mise en mots de ces photographies et de ces cartes, enfin des productions diverses qu'on avait pu avoir. Ça a permis de mettre en évidence l'ambivalence de la gentrification, de produire une analyse sur cette ambivalence de la gentrification, entre d'une part la crainte d'être exclu de sa ville que ressentaient les jeunes et d'autre part leur enthousiasme vis-à-vis de la ville qui s'embellit, de voir l'image de la ville changer et donc également l'image portée sur les jeunes qui habitent cette ville qui pouvait également changer. À Nanterre, un autre exemple, on a travaillé bon, comme ailleurs également, mais sur les histoires familiales des jeunes. Et le fait de mettre en récit les histoires familiales pour chacun des jeunes et de les partager collectivement, de les discuter collectivement, a permis de mettre en évidence l'articulation étroite entre les histoires personnelles des jeunes, l'histoire de l'immigration algérienne en France et l'histoire du quartier du Petit Nanterre, marquée par les bidonvilles et la construction massive de logements sociaux. Nous avons également travaillé à partir de vidéos. Donc, les jeunes ont réalisé des capsules vidéo de 2 à 3 minutes au cours des ateliers. Pour cela, nous nous sommes inscrits dans la lignée d'écrits qui font de la vidéo un moyen pour faire entendre la voix de chacun et pour maximiser ce que Art appelle les opportunités de participation. On a pu constater donc qu'il y avait de nouvelles prises de parole de jeunes qui ne parlaient pas, qui n'avaient pas ou peu parlé jusque-là au cours des ateliers, que de nouveaux thèmes émergeaient et que donc de nouvelles dimensions d'analyse émergeaient également. Donc on a souhaité vous montrer, alors je ne sais pas, peut-être qu'on va en montrer qu'une vu l'heure qu'il est, mais montrer au moins une vidéo qu'on a produite. Donc je vais vous partager un autre morceau de mon écran. Donc je vous mets une vidéo, normalement le son est partagé sur mon ordinateur, vous devriez bien tous entendre. Step on top. You know what it is. I make you bad. Allez, vite. I make you bad. Salut, là. On va à Jury. Vous allez faire quoi là-bas? Bon, on va aller au parc. C'est très bien, c'est parce qu'avec eux, vous voulez aller là-bas. Non, alors. Vas-y, mais cassez-moi alors. Il est malade, l'Italien, pense à tiens. I heard you got a new girlfriend, and it's hurting me. Le courage est trop simple. Les titres sont pas au parc du 19. Le courage est trop simple. Je vais envoyer le titre. Le titre est parti, il revient pas sur le titre. I got your big fun. I make you bad for me. I make you bad. Cassez-vous dans le jean. Depuis tout à l'heure, il y a que toi qui parle. Voilà, tu as un casque. Je te laisse, Marie-Hélène. Oui, mais je pense que on a pas, ça, la vidéo n'est pas passée, je pense. Donc, je vais commenter rapidement. Parce qu'on a juste eu un bout de son. Donc, en fait, on voulait vous montrer deux vidéos qui nous semblaient intéressantes. La première, donc celle que Jeanne a tenté de passer, c'est une vidéo qui a été tournée par les filles, dans le 18e. Donc, des filles qui, au début, avaient du mal à s'exprimer dans les ateliers, parce que les rapports entre filles et garçons... Il n'était pas simple, il y avait une forte présence des garçons. Et dans cette vidéo, elle montre comment les garçons tentent de les empêcher d'aller dans le 19e, alors sachant qu'une partie d'entre elles, en fait, habite dans le 19e, mais elle montre cette limite entre les deux arrondissements, à un moment d'ailleurs où il y a des rixes qui se déroulent entre les quartiers. Et c'est un point de vue vraiment des filles qu'on n'avait pas du tout entendu au moment des ateliers, qui exprime bien ces enjeux d'appropriation territoriale. Et l'autre vidéo, elle porte en fait sur les migrants qui sont dans le 18e arrondissement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au premier atelier, quand on leur a demandé des mots sur leur quartier, il y a plusieurs jeunes qui ont dit « il y a trop d'Arabes, il y a trop de Noirs », et ils sont tous Arabes et Noirs. Et en fait, ils désignaient par là les migrants qui sont présents dans le quartier, qui ont une présence très, très, très, très forte. Et donc, ce sont encore des filles qui ont fait cette vidéo, qui sont allées interviewer des migrants, et donc du coup qui ont fait à partir de la vidéo tout un travail, elles, d'explication de qui sont ces migrants, pourquoi ils occupent l'espace public, et donc qui ont aussi donc travaillé sur cette thématique qui était assez difficile à travailler en atelier. Donc les images disent énormément de choses et sont finalement une forme d'expression et en même temps d'analyse des jeunes. Bon, on avait fait tous les tests techniques avant, mais c'est pas grave, ça a marché quand même. Donc, je vais continuer sur ces outils participatifs, sur le temps suivant de la recherche qu'on a déjà évoqué, qui a été, là vous voyez bien, tout le monde voit bien le PowerPoint, de réunir l'ensemble des jeunes des différents terrains, donc d'abord sur un week-end. Donc, ça a reposé, enfin, cette nouvelle étape a reposé du coup sur un changement d'échelle, une confrontation de la diversité des terrains et une montée en généralité analytique. Durant ce week-end, on a proposé aux jeunes de croiser leur production et d'approfondir l'analyse par la confrontation entre les différentes situations. La comparaison a vraiment constitué un support analytique fructueux qui a fait apparaître notamment les hiérarchies socio-spatiales et les critères de cette hiérarchie socio-spatiale, des critères communs entre les quartiers ou au contraire des spécificités entre les quartiers. Un autre week-end a également été organisé, que Marie-Hélène a déjà évoqué, un week-end consacré à l'écriture de textes, toujours dans cette perspective d'élaboration de l'analyse, mais dans le cadre du passage à l'écriture, qui a constitué donc un temps de production collective au cours desquels les jeunes ont travaillé sur des textes, ont écrit des textes, accompagnés ou non par des professionnels et des chercheurs. Et un certain nombre de ces textes sont donc apparus dans l'ouvrage qu'on est en train de finaliser. Alors, pour garder le recul critique, on a aussi travaillé sur une hybridation des méthodologies en utilisant des outils plus classiques de la sociologie, donc sans faire le détail de l'ensemble, hein, simplement vous dire qu'au cours des ateliers, on a par exemple utilisé des outils comme les cartes mentales ou les parcours commentés, hein, qui sont assez traditionnels. Ce qu'on a essayé de faire, par contre, c'est d'associer les jeunes à l'analyse de ces productions au fur et à mesure des productions. Et puis, à l'issue des ateliers, on a conduit des entretiens individuels. Alors, quand je dis « on », c'est les chercheurs. Des entretiens individuels avec chacun des jeunes, quasiment tous les jeunes qui avaient participé aux entretiens. Donc, pour éviter de retomber dans une... pour éviter l'asymétrie, hein, qu'on avait essayé d'éviter depuis le début de la recherche, on a par exemple proposé d'inverser les rôles entre intervieweur et interviewé, hein, ce qui n'a pas toujours été mis en œuvre ou n'a pas toujours fonctionné. Mais ce qu'on a pu constater, c'est que le fait de connaître les jeunes, d'avoir créé des liens de confiance, d'être engagé dans un projet commun avec eux, ça a transformé la relation empathie-distance que requiert la situation d'entretien. Mais ça nous a aussi donné des clés pour approfondir des thèmes qu'on avait pu aborder en atelier. Donc, on a constaté qu'au cours des entretiens, hein, sans grande surprise, mais d'autres choses ont été dites qui étaient en décalage parfois avec ce qui avait pu être dit en atelier, et donc avec un décalage entre des positions individuelles au cours de l'entretien et des prises de position collectives au cours des ateliers. Donc, par exemple, des jeunes filles maliennes avaient toutes déclaré au cours d'une discussion collective qu'elles ne pourraient se marier qu'avec un homme appartenant à leur caste, et puis au cours des entretiens, elles ont décrit des positions et des stratégies beaucoup plus nuancées, certaines indiquant même clairement leur refus de cette norme. Donc, l'hybridation des méthodes, en fait, ça nous a permis aussi de tenir ensemble, enfin, de travailler à tenir ensemble cette posture participative et cette posture objectivante, et ça a rendu encore plus nécessaire, d'après nous, la réflexivité critique sur les conditions de collecte des matériaux de recherche et sur les divers biais qui en découlent. Donc la démarche participative a systématiquement intégré une dimension objectivante, notamment quand les jeunes ont fait un travail de recul analytique, et l'objectivation a aussi pris en compte la nature des différents matériaux qu'on a réunis dans le cadre participatif. Donc, pour terminer, on voulait aborder la question du construire ensemble jusqu'à quel point, aux différentes étapes de la recherche, en se posant plus particulièrement ici la question de la place que peut avoir chacun à ces différentes étapes de la recherche, alors que nos positions sont différentes et alors que les rapports de pouvoir et les hiérarchies sociales ne sont pas solubles dans la recherche participative. Donc, notre ambition n'a pas été ici d'intervertir les rôles, vous l'aurez compris. Nous sommes intervenus chacun depuis notre place, même si des places et des postures ont pu s'hybrider au fur et à mesure de la recherche. Donc, on a notamment remarqué que les enjeux de chacun des partenaires étaient différents et que l'articulation de ces différents enjeux crée nécessairement des déséquilibres qui ne sont pas les mêmes aux différentes étapes de la recherche et entre lesquelles il s'agit de négocier. Donc, on a mené ce que Cornwall et Jukes appellent une collaboration cadrée qui, selon les moments et selon les interlocuteurs, a pu emprunter à différentes formes de participation. Au moment de la définition du protocole de recherche, donc on est passé par un processus classique d'appel d'offres ANR, pour la formulation du projet, on a mené des discussions avec les professionnels, mais la formalisation en tant que telle du projet a été prise en charge uniquement par les chercheurs, par exemple, avec dans la formalisation de ce projet l'intégration de contraintes, notamment en termes de calendrier et de livrables, qui rythment et qui contraignent de fait le déroulement à venir de la recherche. Mais le fait que la démarche que nous proposions était nouvelle pour tout le monde, pour l'ensemble des partenaires, nous a permis, dès les premiers temps de la recherche, de travailler à la redéfinition, au fait d'apporter des précisions à ce qu'on allait faire et la manière dont on allait le faire. Et donc, on a travaillé avec les professionnels à la consolidation de ce que Caillouette et Soucy appellent un espace partenarial de recherche qu'on a progressivement donc consolidé. Et à cette phase-là, les jeunes n'ont pas participé à la recherche. On a ensuite retravaillé avec eux les conditions de la mise en place de la recherche à partir du moment des ateliers. Donc, la deuxième étape a été celle du moment du terrain. Ce qu'on peut notamment dire sur cette étape, c'est qu'au sein des ateliers, les rapports entre les professionnels, les jeunes et les chercheurs ont pris des formes différentes. Il n'y a pas une seule manière de faire qui peut être dégagée, qui a notamment varié selon les terrains, mais selon aussi l'âge et le statut des participants et par exemple des professionnels qui ont pu observer des positions assez diverses. Certains animateurs professionnels ont par exemple joué le jeu de l'animation et de la discussion avec les chercheurs en observant un certain retrait, un accompagnement, alors que d'autres sont entrés de plein pied dans les débats, ce qui a pu mettre en évidence la tension entre la posture d'éducation et la posture de recherche qu'on pouvait tenir. Donc, c'est vraiment au cours des ateliers que s'est nouée la relation avec les jeunes, notamment à partir d'un protocole que ces jeunes n'avaient pas contribué à élaborer. Les jeunes n'ont pas au début eu d'influence majeure sur l'organisation et le protocole. Il y a eu des adaptations, mais ce sont finalement les chercheurs qui sont tout de même restés maîtres de l'organisation. Et les jeunes ont davantage influencé la trajectoire de la recherche à partir du premier week-end de travail qui les a tous réunis, qu'on a déjà évoqué, notamment en proposant de travailler sur certaines thématiques, mais également en refusant de travailler sur d'autres thématiques. Et puis, ce sont eux qui ont proposé cette nouvelle rencontre du week-end d'écriture, où là aussi, ils se sont emparés de certaines thématiques et en ont délaissé d'autres. Ce qui nous a bien montré que les jeunes ne sont pas sans pouvoir, qu'ils ont le pouvoir de venir ou de ne pas venir, de parler ou de se taire, de manier la dérision, l'humour vis-à-vis des chercheurs et d'orienter les thèmes de travail collectif. Donc, en fait, cette démarche a impliqué une double posture des chercheurs, qu'on a déjà nommée, la posture participative et objectivante, dans cette négociation méthodologique. qui s'est affirmée quand même de manière parfois perturbante pour certains chercheurs, dès le travail de terrain, puisque ce travail que nous présentons ici engage le chercheur bien plus qu'une relation d'entretien même empathique, qui fait souvent donc appel au registre des émotions et qui implique un travail réflexif permanent. Donc les chercheurs ont souvent été décalés d'un rôle d'observation plus traditionnel qu'ils pouvaient avoir davantage l'habitude d'adopter. Et certains se sont demandé s'ils n'étaient pas en train de devenir animateurs ou travailleurs sociaux, s'ils n'étaient pas de fait en train de perdre leur spécificité professionnelle, s'ils étaient bien en train de faire comme il fallait pour mener à bien cette recherche de manière participative du mieux possible. Bref, un inconfort qui a fait l'objet de discussions. Pour terminer, on s'est posé ensuite la question de à quel point on pouvait ouvrir la boîte de l'analyse. Alors, on ne considère pas l'analyse comme un processus linéaire qui arrive à une étape bien précise, hein, puisque l'analyse s'engage dès le moment du terrain, à travers des notes d'analyse, des échanges, des bilans ponctuels, etc. Mais là, ce sur quoi on voudrait insister, c'est que pour nous, les questions, les tensions sont apparues de manière particulièrement forte, notamment au moment de l'analyse des ateliers et des entretiens. Donc, je vais revenir rapidement sur ces deux temps, mais dire que tout l'enjeu ici a été vraiment d'arriver à faire dialoguer les savoirs d'expérience qui ont aussi une dimension analytique et des savoirs scientifiques qui sont construits plutôt à partir d'enjeux théoriques et qui s'appuient sur des protocoles rigoureux de traitement des données. Donc, au moment de l'analyse des ateliers, par exemple, on a eu du mal à tenir une posture participative. Les chercheurs arrivaient, par exemple, avec leurs centaines de pages imprimées de compte-rendu d'entretien annotés, tandis que les professionnels ne s'étaient pas appropriés ce matériau. Donc, ce qui s'est davantage passé, c'est que les chercheurs ont soumis aux professionnels leurs premières analyses et que ces analyses ont été affinées, retravaillées à partir de discussions et de remémorations collectives des ateliers. Au moment de l'analyse des entretiens, on est entré dans ce qu'on a considéré comme étant un processus de fermeture ou de repli plus fort des chercheurs sur leur atelier de production. D'abord, du fait de la taille du corpus d'entretien, puisqu'on a donc 112 entretiens, et ce qui nous a conduit à décider d'utiliser un logiciel pour traiter ces entretiens que seuls les chercheurs allaient pouvoir utiliser. Et puis, surtout, on a été confrontés à ce moment-là aux enjeux éthiques et de protection des données que nous n'avions pas anticipés, puisque les entretiens avaient été faits en expliquant bien aux jeunes que le contenu dans l'entretien ne serait pas diffusé tel quel à un tiers, et qu'on s'est rendu compte après coup que ce pacte d'enquête impliquait que nous n'allions pas pouvoir partager les entretiens avec les professionnels ni avec d'autres jeunes. Donc ça pose la question de finalement l'impossible transparence totale des données de recherche qui à ce stade a directement remis en question notre idéal de partage du travail et d'égalité dans l'analyse que nous avions expérimenté de manière ponctuelle au fil du travail de terrain, mais qui est apparu ici avec davantage de force. Et puis enfin, l'écriture, au moment du proprement parler de l'écriture, enfin je vais juste dire deux mots là-dessus. L'écriture nous a renvoyé plus directement à des questions éthiques, à des enjeux d'arbitrage entre ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, de ce qui s'est passé au moment de la recherche, notamment de ce qui a pu s'être dit dans des moments quasi privés de confidence ou sur des tensions qu'on a observées au fur et à mesure de la recherche. Disons que dans le cas de notre travail, la possibilité d'exprimer plusieurs voix a permis de réduire ces tensions. On a cherché à trouver des formes d'écriture qui répondent aux enjeux de chacun des partenaires dans leur diversité, et notamment de permettre aux participants de restituer et d'assurer une diffusion des résultats auprès de différents types de publics. Alors, je parle au passé, mais c'est dans cette phase-là qu'on est qu'on est actuellement. Et puis, on est en train, donc, comme on l'a déjà dit, d'achever un livre collectif qui prend la forme d'un abécédaire dans lequel figurent des textes de jeunes, de chercheurs, de professionnels qui proposent une mise en discussion des analyses qu'on a pu produire au cours de la recherche. Donc, en conclusion, je ne sais pas si Marie-Hélène, je te laisse la main. Non, vas-y. Alors, pour la conclusion, donc, que fait la participation à la recherche? En deux mots, je vous ai mis les principaux éléments ici. Voilà, cette recherche nous a permis finalement d'obtenir un matériau riche et diversifié qu'on pense qu'on n'aurait pas pu obtenir autrement et de parvenir de parvenir à produire une certaine validité scientifique puisque la multiplication des techniques de recueil de données sur une même situation, sur un même phénomène, nous a permis de croiser les analyses produites, de conduire une réflexivité à tous les stades de la recherche, ce qui, nous semble-t-il, a été vraiment favorisé par la méthode que nous avons employée. Donc, on a travaillé et négocié tout au long de la recherche entre cette posture objectivante et cette posture participante, qui, vous l'avez vu, a été très engageante, parfois inconfortable et souvent stimulante. Et puis, ce qu'on peut dire peut-être en ouverture, c'est que si la recherche participative n'annule pas les rapports de pouvoir et ne transforme pas les hiérarchies sociales, d'après nous, d'après l'expérience que nous avons pu en avoir, elle peut néanmoins avoir une portée subversive de re-hiérarchisation, de déhiérarchisation plutôt des niveaux de savoir, des rapports entre les différents savoirs, et également une portée de démocratisation de la recherche et une portée politique. Voilà, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a été assez long. Merci de votre attention. Ok, je pense que je peux enchaîner, c'est ça en fait? Ok, merci. C'est la situation qui est un peu étrange. Bonjour à toutes et tous, bonjour à nos collègues brésiliens et brésiliennes qui nous écoutent et au public aussi peut-être de là-bas. Je tiens à vous remercier de m'avoir sollicité pour discuter assez brièvement ce propos. Alors moi, j'ai eu un privilège, c'est que j'ai lu un texte qui formalisait un peu tout ça et qui m'a permis de mesurer effectivement à la fois la grande qualité du travail et tous ces enjeux à la fois théoriques et méthodologiques. La première réaction que j'ai eue en le lisant, c'est de me dire que c'était un travail d'une très grande honnêteté intellectuelle, parce qu'il révélait aussi un processus de socialisation des chercheurs à faire de la recherche différemment, sans dissimuler les difficultés, les ajustements, les négociations, et le fait de montrer que la recherche dans ce contexte-là est un espace qui se transforme et qui aussi se transforme pas du tout comme on a pu nous l'apprendre. Donc, bien évidemment, pour moi, c'est une recherche engageante qui correspond aussi à celle de Coppolis. Et du coup, je vais dire juste rapidement quelques mots d'où je parle. Moi, je suis une sociologue urbaine, je travaille sur la norme et les normativités. Et par contre, je ne connais pas du tout le champ de la participation appliquée à la recherche. Et c'est vrai que ma participation à Coppolis, elle est aussi pour ça, pour essayer de faire évoluer aussi certaines pratiques de recherche et de regarder différemment des objets. Une première réaction concerne des notions mobilisées qui sont, si on fait un lien entre les deux recherches, Pop Art et Coppolis, sciences citoyennes, sciences de la société, coproduction urbaine, recherche participative, on voit qu'effectivement il y a un travail à engager sur en tout cas sur les termes et peut-être à dire s'ils sont complémentaires, polysémiques. Et je trouve ça, moi, particulièrement intéressant. Mon propos, se construira autour de quelques éléments de réaction, de discussion par rapport aux propos que vous venez de tenir et au travail que vous venez de nous présenter. Tout d'abord, le premier point, c'est la question de la production des connaissances, qui pour moi qui se produit dans un cadre qui n'est pas anodin, puisqu'il est dans les quartiers populaires. La population étudiée est effectivement issue de ces quartiers, c'est un point commun pour les deux recherches. Et là, nous savons tous que travailler dans les quartiers populaires, même d'une manière classique, je dirais, engage à produire un discours sur une population qui est stigmatisée, c'est ce que vous avez bien dit, bien souligné, et surtout construite en population déviante, ce qui homogénéise énormément sa prise en compte et sa représentation au-delà des faits collectés. Récemment, se rendre compte que lors du premier confinement, il y a aussi une représentation des quartiers populaires comme susceptibles d'enfreindre les règles sanitaires qui s'est diffusée alors que les travaux de recherche ont très bien montré que les travailleurs du confinement sont aussi, pour paraphraser Anne Lambert, dans ces quartiers-là. Donc l'intérêt de la recherche pop art et celle de Coppolis consiste aussi à souligner pour moi une nécessité, celle de travailler autrement sur les quartiers populaires, sachant que nos collègues en Amérique du Nord, au Brésil, développent déjà des pratiques en ce sens depuis une décennie et peut-être plus. Vous abordez la question de la jeunesse, qui est aussi pour moi une figure importante, qui renvoie au stigmate et au processus de stigmatisation, vous l'avez bien souligné. Et le fait d'associer effectivement quartier populaire et jeunesse montre un double niveau de stigmatisation qui conduit aussi à l'invisibilisation des populations qu'elle recouvre. Et toi, tu parlais, Maggie, effectivement de figure de proue de la stigmatisation. Effectivement, on est au cœur de quelque chose qui est assez essentiel. Donc, la question de recherche commune avec Coppolis pourrait être comment produire un discours objectivé sur le quotidien des jeunes, dans le contexte de Coppolis peut-être plus large des habitants, ajouter à la nécessité de réfléchir à comment faire pour que leur point de vue sur leur quotidien soit considéré à partir de leur expérience, sans passer par le tamis d'une recherche, la nôtre, qui, quoi qu'on en dise, et vous l'avez montré à la fin de votre propos, symbolise la distinction sociale qu'incarnent nos méthodes aussi, bien évidemment ce que nous sommes socialement, puisque nous sommes bien évidemment tous socialement situés. En vous écoutant, je me disais que la catégorie de jeunes est bien sûr un enjeu en soi de définition, vous l'avez montré, et vous procédez dans ce contexte à un déplacement, c'est-à-dire connaître ce que cette jeunesse donne de cette propre définition d'elle-même et des mécanismes de stigmatisation à partir du moment où ils en ont pris conscience et ils ont compris les mécanismes. Et de ce fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir effectivement l'écriture du social qu'ils peuvent même produire. Donc évidemment, vous parlez de jeunesse au pluriel. La catégorie n'est pas homogène, vous l'avez dit, elle est hétérogène, elle est racisée, elle est genrée, mais elle est aussi socialement plurielle, sachant que dans les quartiers populaires, il y a aussi des classes moyennes. Donc, également, vous dites, effectivement, vous l'avez peut-être moins dit oralement, mais moi, je l'ai lu dans votre papier, quelque chose d'important, c'est que les catégories d'âge sont aussi poreuses et la jeunesse renvoie à plusieurs dimensions et catégories d'âge. Il y a des adolescents, des jeunes adultes, des adultes. Donc, on voit bien que les choses sont extrêmement plurielles et de ce fait, difficiles à appréhender et peut-être, là aussi, difficiles à appréhender de la part des jeunes en question. Le deuxième point que je voudrais poser, c'est comment on nous qualifie, parce qu'effectivement, vous parlez, le papier, enfin, en tout cas, votre propos est beaucoup centré sur les chercheurs. Pour moi, vous présentez les conditions d'une rencontre et vous faites surtout des conditions de cette rencontre, une partie prenante de la recherche, et je trouve ça extrêmement intéressant. Elle engage effectivement une place qui est la nôtre, sachant que nous sommes nous-mêmes producteurs aussi d'une représentation sans doute du milieu que l'on étudie. Et vous inversez aussi quelque chose avec le terme de par le bas, en fait, l'utilisation de cette terminologie et qui fait que on peut mesurer que, entre autres, les origines de la sociologie urbaine, c'est aussi une sociologie qui est relativement descendante, puisqu'elle a été faite par des universitaires qui étaient généralement issus de milieux extrêmement favorisés. Je pense hein, aux premiers travaux de l'école de Chicago, qui engage aussi des étudiants de milieux très favorisés, qui posaient un regard sur des populations précaires. Et de ce fait, vous amenez les jeunes des quartiers populaires à produire une recherche qui les concerne et à produire surtout une critique du positionnement des chercheurs et de la façon dont on traite ces objets. Il y a un point malgré tout qui me paraît intéressant à relever, parce qu'il renvoie aussi à la violence symbolique qui est liée à cette rencontre, au lieu où les jeunes sont réunis, qui n'est pas non plus complètement anodin, et qui aussi produit du discours qui est de ce fait à prendre en compte dans les processus de la recherche. C'est-à-dire que nous, malgré tout, par l'initiation de cette recherche, que ce soit celle de Coppolis ou que ce soit de Popart, on initie des situations qui n'auraient pas existé s'il n'y avait pas eu la recherche, même si on est dans une situation effectivement de participation. Donc, de ce fait, comment qualifier nos recherches ? Et là, l'usage, pour moi, que je trouve vraiment stimulant, intéressant, c'est celui de la sociologie publique, moi qui m'intéresse énormément. Faire une sociologie publique pour Michael Buravoy, c'est aussi consiste en ayant pour contexte un certain nombre d'enjeux de société à placer nos disciplines, la sociologie en particulier, en dialogue avec certains acteurs de la société civile, dans ce contexte effectivement les jeunes, les habitants, les professionnels. Et la démarche a pour objectif de les intéresser aux objets de la sociologie tels qu'ils sont construits sans nier leur dimension académique, et aussi de produire une analyse à partir de ce que sont les acteurs avec lesquels il s'agit de collaborer. Donc moi, ce que j'aimerais voir, et parce que je ne l'ai pas trop vu dans votre propos, c'est qu'est-ce que cette démarche a transformé de leur lecture du quotidien, c'est-à-dire qu'est-ce que cette démarche a d'être au contact effectivement et à faire leur, ce que moi je considère comme faire de la sociologie, à transformer de la lecture du quotidien et de cette rencontre avec le temps long de la recherche qui effectivement bouscule aussi, je pense, généralement. On voit aussi que dans ce contexte, les chercheurs sont transformés et de ce fait, c'est bien une mise en dialogue de l'académie et de l'extra-académique, comme peut le souligner Buravoy. Et de ce fait, ce que tu disais, Jeanne, tout à l'heure, de la négociation méthodologique est vraiment extrêmement intéressante parce qu'elle fait bouger les lignes et elle transforme, je dirais, je serais tentée de dire qu'elle transforme l'ensemble des parties. Ensuite, moi, la réaction que j'avais aussi en vous écoutant, c'est que faire le choix de la participation, comme tu le disais, Maggie, le fait qu'il y ait de plus en plus de travaux qui s'engagent du côté de la participation, de la coproduction, je me posais une question qui était celle d'un moment de la recherche, qui est déjà bien évidemment expérimenté par ailleurs, mais qui renvoie à un moment de la recherche en France qui est aussi très marqué par la néolibéralisation des financements, de la recherche, des sujets, des formats. Comme vous le disiez tout à l'heure, hein, c'est le prisme des projets ANR fait que c'est un grand paradoxe quand même d'avoir réussi à financer une recherche aussi innovante à travers un cadre qui est quand même très, très spécifique et qui contraint, pour y avoir été confronté récemment, quasiment à une double écriture. C'est-à-dire l'écriture pour pouvoir être financée, rentrer dans une moulinette qui est absolument à l'opposé, et celle de que vous expliquez très bien, hein, d'avoir aussi cherché à écrire ce projet en amont avec la participation d'acteurs de terrain. Et de ce fait, sur ce point, pour moi, votre recherche est politique, la recherche Coppolis aussi est politique. Et j'aurais tendance à dire que l'approche que j'ai découverte en vous lisant, pour moi, était qu'on pourrait la qualifier d'intersectionnelle, c'est-à-dire considérant ensemble les discriminations en les articulant dans le raisonnement. Et de ce faire, est-ce que ça ne serait pas nécessaire d'imposer presque ce prérequis théorique aux recherches sur les quartiers populaires pour véritablement réfléchir aux registres à partir desquels on les considère. Donc moi j'adhère effectivement à cette posture-là. Je vais essayer d'avancer un peu plus vite. Vous posez aussi la question importante des rapports de pouvoir comme s'exerçant dans les rapports de savoir. Je trouve que c'est extrêmement juste et que c'est un point de vigilance qui est très difficile à prendre en compte aussi. Et bien évidemment, à travers les rapports de savoir s'incarnent des rapports de domination dans la production de ces savoirs. Et effectivement, vous le dites, jusqu'à quel point il y a des limites. C'est celle que vous venez d'énoncer, l'analyse des données, le fait également des entretiens semi-directifs. Et je trouve que vous êtes allé, vous parliez de démarche hybride tout à l'heure, moi je trouve que vous êtes allé vraiment loin, c'est-à-dire que j'ai noté quelque chose dans le texte que peut-être que vous n'avez pas dit tout à l'heure, c'est que vous avez inversé les rôles d'intervieweur et d'interviewé au cours des entretiens. Et je trouve ça assez intéressant, peut-être vous pourriez nous en dire quelques mots. Et je reviens moi sur le point de la rétribution. Effectivement, payer les jeunes avec toutes les questions que vous vous êtes posées. Alors moi, c'est quelque chose que je connais parce que j'ai pratiqué et je dirais avec beaucoup moins peut-être de précautions que vous, puisque nous ne nous sommes pas posés, nous, la question de ce que de la sincérité de l'échange. Moi, ce que je me disais à mon corps défendant, hein, c'est que nous, quand nous avons rétribué des ménages pour c'était dans un contexte d'une recherche sur l'énergie, nous avions affaire à des CSP+. Donc là, on voit que la posture qui a été peut-être la nôtre a été sans doute de pas celle de nous interroger suffisamment sur ce que ça a engagé. Effectivement, nous les avons rétribués, nous, parce que pour une raison que vous évoquez également, c'est de garder la présence des jeunes en ce qui vous concerne, et nous, effectivement, de garder la présence des ménages dans l'enquête, puisqu'ils devaient remplir des carnets de bord journaliers et que c'était assez contraignant. Moi, je trouve effectivement que ce point-là est important et qu'il pose aussi la question salutaire que notre milieu n'est pas captif, et heureusement, l'espace de l'enquête n'est pas captif, et que de donner effectivement la possibilité à travailler ensemble sur des questions qui sont importantes et vraiment un positionnement à tenir. Moi, je trouve également, et je vais pas tarder à m'arrêter, à me dire que vous revisitez aussi l'ethnographie. Pour moi, c'est un peu une enquête totale, c'est-à-dire que les chercheurs sont au cœur de l'enquête, hein, au sens d'objet de recherche, dans leur manière d'évoluer et de se socialiser à changer leur habitus. Et je trouve ce point effectivement extrêmement intéressant. Et bien évidemment, vous l'avez mis... parler de limites, et moi je vais m'arrêter là. Une limite que moi j'ai vue aussi dans le papier, c'est celle de la pandémie, qui me semble avoir réassigné un peu à chacun son statut du fait d'une certaine rupture de rencontre. Et de ce fait, l'idée de se dire que la rencontre physique, même si vous avez continué, je crois, à distance et en visio, a peut-être aussi été quelque chose qui montre une limite supplémentaire, la nécessité d'être ensemble pour faire de la recherche ensemble. Voilà. Je vais m'arrêter là, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Du coup, Marie-Hélène et Jeanne, si vous voulez répondre, ensuite on prendra les questions qui ont été envoyées dans la discussion. Mais si vous voulez d'abord répondre aux questions soulevées par Nadine. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Nadine, donc je ne sais pas comment c'est vraiment pas pratique, ce qu'on on peut même pas. Voilà, bon, il faut qu'on s'habitue à ce format. Peut-être tu veux prendre les points qui t'intéressent, Jeanne, et puis je compléterai sur d'autres points. Oui, merci Nadine déjà pour toutes ces remarques. Enfin, je pense que ça va nous aider à avoir aussi des nouveaux points. Et à approfondir d'autres éléments, on en parle avec Marie-Hélène régulièrement, C'est un premier article d'une série d'articles, bien entendu, par rapport à ta remarque, notamment sur ce que la démarche a pu transformer du regard des jeunes. Enfin, au fur et à mesure qu'on a écrit cet article, en fait, on s'est vraiment posé la question de ce qu'on voulait mettre en avant ici, enfin, l'immensité de la tâche en fait, à réunir, à analyser l'ensemble des composantes de cette recherche. Et du coup, c'est pour ça qu'on a choisi aussi un moment de se centrer sur les chercheurs et de regarder les choses du point de vue des chercheurs. Donc évidemment, qu'est-ce que ça a transformé du regard des jeunes sur le quotidien ? C'est un des chantiers de l'analyse à venir aussi, notamment en utilisant la catégorie d'empowerment, d'émancipation. On en parle aussi dans le papier un petit peu, mais vraiment aller regarder ce que ça a pu transformer chez les jeunes. Alors, pas simplement de leur regard sur la ville, sur la vie, etc., mais aussi dans leur trajectoire, en fait. Donc, on n'a pas... Enfin, je n'ai pas envie de me risquer à donner des éléments anecdotique là, parce qu'on n'a pas systématisé en fait. Après, je ne sais pas si Marilène, tu veux compléter sur ce point, donner des éléments. Non, c'est-à-dire, je pense que d'ailleurs, en t'écoutant, c'est un point important. En fait, le travail d'objectivation, ils l'ont fait eux-mêmes. Il y a beaucoup de textes qui sont des textes très analytiques qu'ils ont écrits et donc qui montrent tout un... Voilà, un processus de la pensée, une maturation. Et c'est vrai qu'on a, c'est un deuxième temps de travail qu'il faut qu'on fasse. Après, il y a eu des effets, par exemple, sur Corbeil, de constitution, de consolidation d'une association qui s'est créée au moment où on a fait le terrain. Enfin, bon, il y a eu toute une série d'effets d'échange entre les jeunes aussi, qui est importante. Mais... ouais, je pense que ça nous demande de reposer ce matériau-là qui est aussi très, très important. Bon, de toute façon, on ne va pas répondre à tout, je pense, hein, mais peut-être pour faire un mot sur l'inversion des rôles entre intervieweur et interviewé. Alors, je pense que Claudette Lafaille, qui est là dans l'assistance, aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, parce qu'elle a aussi participé à cette recherche. On a fait ensemble le terrain de Pantin, notamment, et on en a beaucoup parlé. Alors, dire que c'est une possibilité en fait qu'on a ouverte, comme j'ai essayé aussi de l'exposer dans la présentation. L'idée était que on ne soit pas en dehors du débat au cours des ateliers, qu'on prenne aussi part aux échanges, et ce qu'on ne voulait pas, c'est au moment des entretiens arriver à nouveau dans cette asymétrie très forte entre d'une part un chercheur qui pose des questions à un jeune qui répond à ces questions. Alors, pour, je ne veux pas là généraliser sur l'ensemble des entretiens qui ont été menés, mais à chaque fois que ça a été proposé, en tout cas, ce qu'on a constaté, c'est que les jeunes s'en sont très diversement emparés. Alors, les chercheurs aussi s'en sont très diversement emparés en ouvrant plus ou moins cette possibilité de questions-réponses. Et donc, de la part des jeunes, alors, c'est pour ça que je parle je fais référence à Claudette, parce qu'il y a notamment un entretien qu'elle a mené où une jeune a vraiment posé beaucoup, beaucoup de questions, et où à un moment se pose la question de comment finalement on arrive à mener à terme quand même l'entretien et à quel point la situation se renverse. Et ce qui peut se poser dans d'autres configurations, mais qui là a été aussi, je pense, exacerbé du fait qu'on connaissait les jeunes et que pour certains, la possibilité et la facilité à nous poser des questions et à ne pas avoir cette hiérarchie forte, en fait une distance sociale très forte, a pu amener à ça. Et pour te laisser le temps de prendre la parole aussi, Marilène, je veux juste, effectivement, j'ai trouvé très belle ton ouverture sur la pandémie avec la nécessité d'être ensemble pour faire de la recherche. Donc, effectivement, c'est un point qu'on a développé dans le papier, qu'on n'a pas développé à l'oral, parce que faire des choix. Alors, je ne pense pas que ça a réassigné chacun à sa propre place. Par contre, ça a encore reconfiguré les positions de chacun. Notamment, en fait, on a eu depuis le début de la pandémie, en fait, on a eu des séminaires très réguliers avec des professionnels, alors avec une équipe réduite de professionnels par rapport à l'ensemble de ceux qui étaient présents pendant la recherche, mais au cours desquels on a discuté des différentes notices qu'on a produite qu'on est en train de terminer là, pour l'ABCDR, avec des échanges extrêmement riches, alors qu'on a été surpris, je pense, les uns que les autres, d'arriver à mener à bien. Je pense que de la même manière que ça se produit certainement pour certains d'entre vous avec les étudiants, le fait de connaître déjà ces professionnels, ça facilite aussi hein, ce travail de réflexion collective. Par contre, ce qui est certain, c'est que la pandémie nous a conduit à annuler toute une série de choses. En premier lieu, le colloque qui devait se tenir en juin l'an dernier et toute une série de rencontres en fait, avec les jeunes au cours desquelles on avait prévu de retravailler l'analyse, en fait, de leur soumettre encore des textes, enfin, soit rediscuter des textes qu'ils avaient produits, des textes qui avaient été produits à d'autres moments, etc. Et ça, on n'a pas pu le faire. Organiser des visios avec les jeunes avec qui on a travaillé, on a essayé, ça n'a jamais fonctionné. Donc, effectivement, là-dessus, ça ne marchait pas. En revanche, on a produit une enquête sur le confinement, sur le premier confinement. Et là, on est en train de refaire une série d'entretiens sur le deuxième confinement. Donc, en fait, on est plutôt sur un prolongement de l'enquête. Et puis, il y a des terrains comme à Corbeil où l'enquête se poursuit aussi sur d'autres sujets où il est possible de se voir et donc ça se poursuit. Je te laisse choisir quelques points aussi. Oui, peut-être sur un point, sur le, tu soulignais voilà, qu'on pourrait parler d'une approche intersectionnelle. Oui, et c'était un des points de départ. On ne l'a pas écrit effectivement dans le papier, mais on est parti de la volonté d'avoir une approche intersectionnelle et donc qui croise à la fois les dimensions sociales, de genre et de racialisation. Donc c'est quelque chose qui est très présent dans la plupart des écrits, dans la plupart des analyses. Par exemple, on a fait des ateliers effectivement filles-garçons, où on a abordé ces questions-là. Mais la question de la racialisation est aussi quelque chose qui parcourt la recherche. Et donc c'est une des dimensions sur lesquelles on a travaillé, c'est la question de la discrimination, une des questions sur laquelle on a pas mal discuté en termes de chercheurs, c'est est-ce qu'il existe en nous des jeunes des quartiers populaires, qui sera sans doute en conclusion de notre recherche ou dans l'introduction, parce qu'on a effectivement une grande diversité de jeunes et qu'on voit que ces dimensions intersectionnelles jouent beaucoup dans cette hétérogénéité, même s'il y a en commun un certain nombre de points qui sont notamment de vivre dans des quartiers populaires où on vit la discrimination raciale notamment. Donc ça, c'est sur ce point-là. L'autre point, sur ce que tu disais, sur le paradoxe d'avoir un financement par l'ANR, c'est un paradoxe et en même temps, la participation, elle va en poupe et dans les recherches participatives, on trouve des recherches, la dimension participative, comme dans le débat public, elle peut être utilisée à des fins très, très différentes. C'est aussi maintenant un peu une marque de discours, par exemple, de certaines universités, alors quelquefois qui recouvrent des vraies pratiques, hein, mais de rapport avec le territoire, avec la société, mais pour avoir des financements, bien souvent. Donc, ça dit aussi que cette question avance, alors, et que c'est quelque chose d'important, mais en même temps, ça ouvre à des pratiques très, très différentes. Et puis, le fait qu'on ait un financement ANR, donc nous a obligé effectivement à rentrer dans les fourches d'une réponse ANR où il faut donner des timings, où il faut donner des livrables, et ça aussi, d'une certaine façon, cadré et resserré parfois la recherche, parce qu'on avait ces exigences qui étaient posées par notre proposition, et alors qu'après, on a fait bouger, on peut toujours faire bouger c'est intéressant et en même temps c'est un cadrage qui peut quelquefois poser problème. Je voulais juste insister, et un des décalages que cette recherche a produit à mon sens par rapport à l'évolution actuelle de la recherche, c'est aussi la constitution d'un collectif de chercheurs. Parce qu'on a quand même une recherche qui est de plus en plus individualisée, où des chercheurs sont en concurrence avec des productions individuelles. Et il me semble, et moi, c'est une des choses dont je suis contente, c'est qu'on a construit un collectif et qui était vraiment un collectif d'échange, un collectif très réflexif. Et il me semble que le fait d'être dans une recherche participative nous a amené en permanence à cette dimension de réflexivité et à une obligation, une envie de discuter, d'échanger chacun sur nos terrains. Et je pense que c'est un élément fort aussi de transformation, de pratique de recherche qui me semble important à sauvegarder. Voilà, je vais arrêter là. Du coup, je vais vous reposer les questions qui ont été posées dans la discussion. Si ça vous va, je vais les dire à la suite et ensuite vous répondrez aux questions dans l'ordre qui vous va le mieux. Donc, il y a eu deux questions en fait qui portaient plus sur la question des capsules vidéo que vous avez faites. Donc, une question de Félix Cardozo qui demandait si vous pouviez un peu plus développer justement cet usage de la vidéo dans la méthodologie. Qu'est-ce que ça a apporté précisément? Qui en était à l'origine? Quelle a été la place des jeunes dans le processus de réalisation? Et une question de Manon Leroy qui demandait s'il y avait des structures spécialisées qui avaient été avec lesquelles vous aviez travaillé justement pour la réalisation de ces vidéos. Ensuite, il y avait une question de David Gabriel qui était de savoir s'il y avait eu une charte éthique qui avait été mise en place en lien avec la recherche participative. Ensuite, une question de Sabine Girard qui était de savoir, donc vous avez déjà parlé un peu de l'ABCDR qui est en cours, mais de savoir s'il y avait des résultats qui avaient déjà été formalisés et qui sont consultables dès maintenant. Et une question de Thomas Chevalier qui était de savoir pourquoi est-ce que vous parlez des jeunes quand vous parlez des participants en fait à la recherche. Et est-ce que cette dénomination, elle a fait l'objet de discussions ou pas? Donc voilà, si vous voulez répondre à cette première série de questions et s'il nous reste du temps. Et que d'autres personnes en posent dans la discussion, je les redirai à la suite. À son tour de commencer. Bon, ben, je commence alors. Sur la vidéo, oui, effectivement, on a fait appel à des structures, enfin à une structure spécialisée, enfin à des intervenants qui sont d'abord venus nous former, des séance assez rigolote de formation des chercheurs, dont quelques-uns, comme moi, assez limités dans leur utilisation des outils de vidéo. Voilà. Et après, ils ont formé les jeunes. Et donc, dans chaque atelier, on a eu un intervenant qui est venu faire un ou deux ateliers avec les jeunes. Et donc, en fait, dans ce travail de vidéo, on a travaillé en fait en appui avec les jeunes, c'est-à-dire qu'on les a aidés à construire leur synopsis, à régler un certain nombre de problèmes techniques quand ils en avaient, mais ils avaient une liberté totale en fait de construire leur vidéo. Il y avait un certain nombre de limites, c'est-à-dire qu'ils avaient un certain temps, il fallait que ce soit des vidéos courtes, parce que oui, ce qu'on n'a pas dit, on n'a pas eu le temps de le développer dans ce papier, mais au départ on voulait créer en fait un site participatif où les jeunes mettent leurs vidéos et où d'autres jeunes ou d'autres acteurs puissent ensuite mettre d'autres vidéos, soit sur ces quartiers, soit sur d'autres. Et on n'y est pas arrivé pour des questions techniques, en fait, parce que la structure avec laquelle on travaillait n'a pas réussi à mener ce projet à bien, et peut-être aussi parce que nous, on ne maîtrisait pas complètement ces dimensions-là. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu sur les vidéos, mais les vidéos ont vraiment été un moyen important pour les jeunes de s'exprimer, de dire parfois des choses qu'ils ne disaient pas, autrement, de faire sortir des thèmes, des questions qui n'étaient pas dites autrement. Pourquoi on parle des jeunes et pas des participants? Parce que dans les participants à la recherche, il y a 3 collèges. D'une certaine façon. Donc, il y a les chercheurs professionnels, il y a les éducateurs et il y a les jeunes. Donc, voilà, il y a 3 collèges de participants. Mais effectivement, c'est une question intéressante. On n'a jamais demandé aux jeunes comment les appeler. Enfin, on n'a jamais discuté de cette catégorisation. Et d'ailleurs, en ce moment, c'est intéressant parce que comme on est en train de travailler sur la formalisation de notre ouvrage, on réfléchit à la façon dont on va présenter chaque auteur, dont on va présenter aussi le type de texte qui est écrit. Et c'est une question qui n'est pas simple. Voilà, Jeanne, je te laisse. Alors on n'en a pas parlé, enfin juste pour compléter en tant que tel, mais on s'est quand même beaucoup interrogé sur est-ce qu'on s'appelait, enfin à partir de la notion de chercheur, c'est-à-dire surtout au début quand on réfléchissait à notre statut, à chacun, c'est-à-dire si on est tous en recherche, pourquoi il y en a certains qui s'appelleraient des chercheurs et d'autres qui ne s'appelleraient pas des chercheurs? Alors est-ce que nous, de quoi on est des universitaires, mais il n'y a pas que des universitaires, il y a aussi des chercheurs CNRS, etc. Enfin bref, tout un... Voilà, mais donc on n'a pas eu de... Après, c'est effectivement sur la discussion de jeunes, discussion sur la notion de jeunes avec eux, mais en même temps, ça n'a pas été une catégorie qu'ils ont interrogée. Alors aussi parce qu'on était certainement des structures jeunesse, je ne sais pas, enfin il y a quelque chose... des questions à se poser. Alors sur la question des résultats, s'il y a déjà des choses à lire, alors Claudette a fait une assistante, nous a mis quelques références dans le chat. Alors c'est une question aussi qu'on n'a pas eu non plus le temps de développer ici à l'oral, mais c'est une question qui nous semble centrale dans la recherche participative. C'est le temps long de la production scientifique. Peut-être particulièrement avec cette recherche-là où on a accumulé un matériau absolument énorme, des heures et des heures d'enregistrement, d'observation, de production de jeunes, etc. etc. C'est vrai que le temps d'arriver à savoir comment on allait l'analyser et puis de produire effectivement cette analyse, bon là peut-être que le premier confinement nous a un peu aidés en nous libérant du temps sur certaines tâches. Et après, donc là en fait on en est au stade où on a des quelques publications qui sont sorties et des publications qui sont parties dans les tuyaux de l'analyse, enfin de la revue de, enfin des, comment on dit, des révisions scientifiques, donc qui sont en train d'être évaluées, notamment un article sur la question des grands petits qui est écrit par Fanny Salen et Olivier Brito. Les grands petits, enfin la relation grand petit en fait sur les différents terrains de la recherche, donc avec du coup des articles plus aussi sur le contenu en fait enfin sur l'analyse qu'on a produite, hein, qu'on n'a pas développée ici en tant que tel. En tout cas, et l'ouvrage donc qu'on aimerait normalement qui devrait sortir pour juin, puisqu'on espère en juin réussir à cette année à tenir notre colloque et que l'ouvrage sera prêt à ce moment-là. Donc c'est vraiment une question centrale, hein, à notre avis dans la recherche participative, ce temps de la production de communication et d'articles scientifiques, aussi parce que, et on ne l'a pas non plus développé à l'oral, mais c'est un point qui est assez important, aussi parce qu'elle signifie, elle va avec un temps aussi de repli des chercheurs sur leur laboratoire de production. Donc ça ne veut pas dire que les analyses qui sont écrites n'ont pas été discutées avec les autres partenaires, mais en même temps, la manière d'écrire, etc., renvoie souvent la formalisation de ce travail aux chercheurs. Et puis, pour l'autre question sur la charte éthique, donc nous, on n'a pas formalisé de charte éthique, mais les différents séminaires qu'on a tenus au fur et à mesure nous ont... tenu lieu de cette charte éthique, en fait, puisqu'on a formalisé un certain nombre de principes de travail en commun, de travail collaboratif, auxquels on a pu ensuite se référer. Et c'est plus des documents de travail, c'est pas un document en soi qu'on a formalisé et diffusé à l'ensemble des participants. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'ouvrage qu'on va sortir sera adossé à un site Internet. Sur ce site, on souhaite mettre tous les articles scientifiques, notamment, qui seront écrits, et toutes les vidéos qui seront accessibles à tout le monde. Donc, le site sera ouvert à tout le monde. Hein, et donc, une partie de l'ouvrage sera sur le site. C'est aussi une volonté de diffuser les travaux et d'ouvrir un peu la boîte de fabrication de la recherche. Et Claudette, si tu as envie de compléter, tu peux. Hein. Peut-être normalement tu peux réactiver le micro. Je peux réactiver le micro, mais je n'ai pas vraiment de choses à rajouter. Sinon qu'effectivement, le point sur le collectif de chercheurs, et c'est bien Maggie que tu l'aies souligné, parce que c'est vraiment quelque chose qui, je pense, nous a tous stimulés, quoi. C'est quelque chose de magique, ces produits, durant ces 3 ans. Et c'est rare, et donc c'est précieux. Voilà. Donc je vais. Il y a 2 autres questions qui ont été posées. Si vous voulez, je vais vous les lire. Donc d'abord, il y avait une question de Jodel Zetlaoui Léger qui était de savoir quelle est l'hypothèse éventuellement avancée ou l'objectif qui était visé dans l'idée d'inverser la situation d'entretien avec les jeunes quand vous avez fait les entretiens donc inversés. Et une autre question qui est de Pedro Gomez qui dit donc que c'est pas vraiment votre posture, mais que dans les appels à projets pour la science citoyenne de l'UE, par exemple, la recherche participative, elle sert aussi a priori à rendre les métiers de la recherche plus attractifs, à féminiser la profession, etc. Et donc, il demande, est-ce que vous avez pu vérifier des inflexions dans les parcours scolaires ou professionnels des jeunes ou dans leur rapport à l'école suite à cette recherche? Et puis, il y a une autre question juste au-dessus aussi. Sur la société. Alors, oui, pardon. Donc, il y a une autre question, désolée que je n'ai pas vu passer. Pourriez-vous parler un peu plus de la création de l'association qui a été évoquée à Corbeil, il me semble, donc de Philippe Urveuil? Diriez-vous que ça a été une conséquence directe de la recherche? Y a-t-il eu des demandes spécifiques en ce sens qui ont été formulées aux chercheurs ou à l'équipe par les participants en appui à ce projet local ou à d'autres? Peut-être tu peux répondre sur l'association à Corbeil, vu que tu as un peu plus. Ouais, d'accord. En fait, l'association à Corbeil, elle commençait à se créer, elle existait au moment où on a commencé la recherche. Corbeil est un terrain compliqué, parce que travailler avec des jeunes de Corbeil, on travaille sur les tarturés, c'est dans un contexte où tout le système d'assaut a quand même construit des relations très, très clientélistes et des conflits importants. Alors on avait d'abord eu un contact avec le service un service municipal, et puis ça n'a pas fonctionné. Donc en fait, on a travaillé avec la Mance Mazou, qui est donc originaire de Corbeil, hein, qui est un ancien grand et qui a été chercher des jeunes par les contacts qu'il avait, qui a d'abord fait un groupe de filles qui était uniquement féminin, et ensuite qui a donc trouvé ce collectif de jeunes qui était en train de se constituer. Et donc on a travaillé avec ces deux groupes sur Corbeil, et le collectif s'est consolidé au fur et à mesure de la recherche, en faisant notamment en s'appuyant sur les chercheurs pour déposer des et sur la Mance aussi beaucoup pour déposer des projets, pour prendre des contacts par exemple avec des organismes HLM pour trouver des boulots pour les jeunes, avec la police, etc. Donc c'est un groupe qui s'est vraiment développé en s'appuyant sur la dynamique de la recherche, mais mais en même temps de façon autonome. Et donc, les chercheurs de Corbeil ont joué un rôle voilà, vraiment d'appui de ce collectif-là qui allait bien au-delà d'une recherche classique. Et donc, du coup, ça m'amène à poser une question qu'on n'a pas abordée, mais qui, dans certains terrains, est une vraie question, c'est qui se pose aussi. Enfin, moi, je me la pose tout le temps quand je fais de la recherche, mais parce que je n'y arrive pas, c'est comment on arrête un terrain et comment on arrête un terrain quand on a travaillé avec des jeunes, voilà, avec lesquels quelquefois il y a des dimensions, il y a de la confiance qui s'est construite, il y a quelquefois des dimensions affectives, il y a des demandes, donc on peut pas, voilà, on peut pas dire, ben voilà, j'arrête la recherche et puis maintenant vous vous débrouillez, salut, je rentre dans mon laboratoire. Voilà, je pense que ça pose cette question-là, ce type de recherche pose cette question-là de façon encore plus forte. Et qu'est-ce qu'on laisse sur le terrain, est-ce qu'on se retire pas comme ça d'un coup? Ça se pose pas, ça s'est pas posé sur tous les terrains, hein, mais je pense que notamment à Corbeil, c'est une vraie question, parce que les chercheurs de Corbeil continuent encore à travailler, à répondre à des demandes, et puis notamment il y a le statut de la Manse aussi qui a été quand même très très important. Peut-être je peux répondre aussi sur sur l'influence des jeunes, des parcours. Il y a peut-être, Jeanne, tu as quelques exemples que tu peux donner. Voilà, il y a des influences ponctuelles, parce qu'on voit qu'il y a des jeunes, et notamment effectivement des jeunes filles qu'on a vues s'affirmer au cours de la recherche. Bon, moi, j'en vois deux à Aubervilliers, mais là aussi, on n'a pas fait le travail vraiment d'analyse, et je pense qu'il faudrait qu'on le fasse un peu systématiquement. Par contre, je relève juste un point sur la féminisation de la recherche, parce qu'on a une équipe de chercheurs qui est quand même quasiment que féminine. On a deux hommes dans notre équipe de chercheurs professionnels, et je pense que ce n'est pas un hasard. Parce que voilà, je pense que ce type de collectif, effectivement, cette volonté de collaboration, il n'y a pas eu d'enjeu d'ego dans la recherche. Je pense que pour moi, c'est pas un hasard. Et cette recherche, on l'a pas mentionné non plus, mais ça inclut dans un programme de recherche international qui s'appelle TriSpaces, qui porte sur les pratiquer le réseau et représentation des jeunes dans les espaces publics, avec des questions de transgression notamment, qui se tient donc à Montréal, à Mexico, dans le Grand Paris et à Hanoï. Et là, on est sur une équipe exclusivement féminine. Donc, on est pareil sur les mêmes dynamiques. Pour compléter sur la question de Pedro, je dirais, enfin moi ce que je constate en fait, peut-être, alors c'est lié aussi à la situation de confinement et aux suites, etc., mais c'est que les relations, enfin ça rejoint la question de comment on arrête le terrain ou quoi, mais que les relations qu'on a pu créer avec l'ensemble des jeunes, je ne peux pas le systématiser, mais infléchit aussi ces trajectoires, parce qu'à un moment, c'est ce que disait Nadine aussi, c'est des espaces de rencontres. Enfin, on a créé les conditions d'une rencontre, et qu'on devient aussi, pour certains jeunes, d'un moment, des personnes avec qui discuter, qui ouvrent des perspectives ou des horizons qui n'ont pas forcément été envisagés par ailleurs, ou qui ne sont pas forcément présents dans l'environnement par ailleurs. Et puis rapidement, sur l'objectif des entretiens pour inverser les positions, enfin, j'en ai déjà quand même un petit peu parlé, c'est plutôt l'objectif objectif inversé, c'est-à-dire que de ne pas recréer une situation d'asymétrie, en fait, et de se retrouver dans une situation où on dirait on serait amené à dire aux jeunes, bon, ben là, par contre, maintenant, on pose des questions, puis toi, tu nous réponds. Donc, ça aurait été quand même un petit peu étrange et en décalage avec tout ce qu'on avait fait jusque-là, et parce que ça s'est vérifié, parce que le fait de parler de nous aussi permet aux jeunes de rebondir, de réagir à ce que nous on peut penser, à ce qu'on peut avoir vécu, et donc encore une fois vient nourrir l'analyse. Voilà. Merci beaucoup. Je reprends la parole cette fois-ci en français pour clôturer la séance. D'abord, gigantesque merci à Jeanne, Marie-Hélène et Nadine pour cette séance qui était passionnante. Je pense que nous sommes Nous avons beaucoup appris, et donc il y a, ce qui est très bien, c'est qu'il y a encore plein de choses à discuter et plein de choses encore à sortir dans les mois et peut-être années qui viennent. Donc on va suivre ça avec attention. Je remercie aussi Marie et Lise pour l'aide dans cette animation bilingue que nous avons expérimentée aujourd'hui, et bien sûr à toutes et tous qui ont été présents et qui ont participé au débat. Nous vous donnons rendez-vous le 10 février 2021 avec Philippe Urvoy de l'Université fédérale de Minas Gerais et avec l'équipe du Labiab de notre projet Copolis, où nous allons parler des rapports entre université et mouvements sociaux dans la coproduction urbaine au Brésil. Après la séance d'après, ce sera le 18 mars 2021 et nous aurons donc une de nos séances de recherche-formation animées par nos collègues de Appui, cette fois-ci sur les expériences de construire un projet alternatif de rénovation urbaine avec les exemples et les acteurs, les habitants qui ont été les protagonistes de mobilisations importantes à Grenoble et dans les Crous. Pour terminer aussi, vous êtes nombreux et nombreuses à nous demander des enregistrements, des supports de présentation, etc. Sachez que nous travaillons à la construction d'un site de notre projet et que tôt ou tard, vous aurez accès à ces matériaux. Et voilà, je vous remercie, je vous dis au revoir, à bientôt, au 10. Notamment. Merci.